ce qui est du compte personnel de formation, nous allons nous intéresser dans un premier temps sur sa mise en place avec les bénéficiaires qui seront concernés par le CPF, la mise en place personnelle qui est du salarié, et également donc l'alimentation et l'abondement de ce compte. Comment l'alimenter, donc on va voir ça dans le cadre de la mise en place. Et puis ensuite, on s'intéressera à l'utilisation, donc au fonctionnement du compte, quelles sont les formations éligibles qui peuvent rentrer dans le cadre de ce CPF. Également l'utilisation des droits qui est faite par le salarié. Et enfin, la prise en charge des frais de formation. Donc, pour ce qui est des références légales concernées dans le cadre de ce CPF, on a la loi du 5 mars 2014, celle qui a mis en place le CPF. Alors, le compte personnel de formation est venu remplacer le droit individuel à la formation qui existait avant le CPF. La loi du 8 août 2016, dite la loi El Khomri, qui est venue apporter des modifications au niveau du CPF. Et enfin, la loi du 5 septembre 2018, une loi assez récente pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui, elle, a bouleversé le CPF puisqu'elle a prévu une conversion des heures comptabilisées en euros. Enfin, trois décrets. Un décret du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du CPF pour la fonction publique et les contractuels de droit public. Un décret du 14 décembre 2018 pour ce qui est de la conversion des heures acquises en euros, donc qui vient compléter la loi du 5 septembre 2018. Et enfin, un décret du 28 décembre 2018 relatif au montant des droits acquis au titre du compte d'engagement citoyen que nous allons voir ensemble. Donc, intéressons-nous dans un premier temps à la mise en place. Pour ce qui est de la mise en place du compte personnel de formation, avant tout, il s'agit de définir qu'est-ce que le compte personnel de formation. Alors, le compte personnel de formation, c'est l'un des deux moyens, des deux possibilités qui permettent aux salariés de suivre une formation professionnelle. La première possibilité est à l'initiative de l'employeur. Dans le cadre de son obligation de formation, l'employeur peut, à son initiative, mettre en place des formations au sein de son entreprise pour les salariés. Le deuxième possibilité pour le salarié d'avoir une formation, c'est justement ce compte personnel de formation qui est là, pour le coup, à son initiative, parce que c'est lui, on va le voir, qui va créer son compte et qui va comptabiliser des euros pour lui permettre de financer ses formations. Alors, ce compte personnel de formation, il trouve sa place dans le compte personnel d'activité. Le compte personnel d'activité rassemble en fait un triptyque de comptes que vous voyez apparaître à l'écran. Donc, le compte personnel de formation, qui est l'objet de notre conférence, qui est tout en haut, mais également le compte d'engagement citoyen sur la gauche et le compte professionnel de prévention, ce qu'on appelle le C2P, qui est venu remplacer le compte personnel de prévention de la pénibilité, le C3P. Donc désormais, c'est le C2P. Ces deux comptes, le compte d'engagement citoyen et le compte professionnel de prévention, viennent alimenter, il y a des possibilités d'alimentation du compte personnel de formation. Donc, il y a des liens entre les trois comptes. Voilà pour ce qui était de la situation du compte personnel de formation. On passe aux bénéficiaires. Alors, pour ce qui est des bénéficiaires, en l'occurrence ici, historiquement, les bénéficiaires, ce sont des salariés de droit privé. Le DIF était à destination des salariés de droit privé, le droit individuel à la formation. Donc, le CPF, dès qu'il a été mis en place, est à la disposition des salariés de droit privé. Pour les fonctionnaires ou agents contractuels de la fonction publique, c'est possible depuis donc le décret du 6 mai 2017 qui a ouvert la possibilité pour les agents contractuels, les fonctionnaires, d'ouvrir un compte personnel de formation. Alors, il y a des petites particularités dans ce compte personnel de formation, parce qu'on reste quand même dans du droit public. Mais l'idée, c'est qu'ils bénéficient des mêmes droits que les salariés de droit privé. Également, les membres d'une profession libérale ou d'une profession non salariée Donc, tout ce qui va concerner les indépendants et également les conjoints collaborateurs peuvent désormais bénéficier du compte personnel de formation depuis le 1er janvier 2019. C'est une nouveauté qui a été mise en place, donc depuis très récemment, depuis le début de l'année. Enfin, les demandeurs d'emploi et les retraités peuvent demander également à bénéficier du compte personnel de formation. Ils ont la possibilité d'ouvrir un compte. Voilà pour ce qui est des bénéficiaires. Donc, première condition pour avoir bénéficié d'un compte personnel de formation, il faut être dans l'une de ces catégories. La deuxième condition, c'est une condition d'âge. Il faut avoir 16 ans pour ouvrir un compte personnel de formation. Donc, c'est possible à partir de 16 ans si on est dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, par exemple. Mais également, il existe une petite dérogation pour des apprentis qui auraient atteint l'âge de 15 ans. Par dérogation, on leur permet d'ouvrir un compte personnel de formation. Ce compte personnel de formation va suivre le salarié, en tout cas les différents bénéficiaires, tout au long de leur vie, puisqu'il ne se fermera qu'au décès du bénéficiaire du CPF. Donc, il va suivre le salarié tout au long de sa vie. Voilà pour ce qui est des conditions. Donc, passons désormais à la mise en place personnelle du CPF. Donc, l'idée, c'est de présenter le mode d'ouverture du compte personnel de formation. Il faut savoir que le compte personnel de formation est, comme son nom l'indique, personnel. C'est-à-dire qu'il est, son ouverture doit être faite par le salarié exclusivement. L'employeur n'a aucune obligation d'ouvrir un compte personnel de formation pour ses salariés. Il n'y a aucune obligation. Donc, c'est vraiment le salarié qui doit ouvrir de lui-même son compte personnel de formation sur le site officiel moncompteactivité.gouv.fr à l'aide de son numéro de sécurité sociale. Donc, il faut simplement le numéro de sécurité sociale, se connecter au site moncompteactivité.gouv.fr et puis ça permet d'ouvrir le compte. Pour ce qui est de l'ouverture, pour ceux qui s'inquiéteraient de savoir s'ils ont déjà ouvert un compte, etc. Il faut savoir que si le salarié ouvre un nouveau compte alors qu'il en a déjà créé un, automatiquement, le site du gouvernement va le rattacher au compte déjà créé. Donc, pour ce qui est de l'ouverture, l'employeur n'a aucune obligation, n'a aucune interférence à faire. C'est au salarié, c'est à son initiative d'ouvrir le compte. Il n'existe également aucune obligation d'information des salariés sur le fait d'ouvrir leur compte. C'est à eux de se renseigner sur l'ouverture. L'employeur n'a également pas besoin de transmettre de nouvelles déclarations pour ses salariés. Il n'a pas l'obligation de retranscrire les informations concernant le salarié pour qu'on comptabilise les heures ou les euros que le salarié aura acquis sur le compte. L'employeur n'a pas besoin de transmettre de nouvelles déclarations, il n'a aucune obligation sur cet aspect-là, car c'est déjà effectué en fait par le biais des déclarations sociales classiques que remplit l'employeur, comme la DSN par exemple. Ces déclarations sociales que fait l'employeur sont transmises à des organismes collecteurs, comme l'URSSAF. Et l'URSSAF va le transmettre en fait à la Caisse des dépôts et consignations. La Caisse des dépôts et consignations a été désignée comme l'opérateur teneur compte des comptes personnels de formation de tous ses bénéficiaires. Donc, c'est la Caisse des dépôts et consignations qui a la gestion des comptes personnels de formation et qui les alimente. Elle reçoit à ce titre donc les informations nécessaires au calcul des droits. Donc, c'est vers la Caisse des dépôts et consignations qu'il faut se manifester si jamais effectivement il y a une difficulté sur le calcul des droits au compte personnel de formation du salarié. Dernier point, il est prévu la création d'une application mobile qui va être mise en place à compter de novembre 2019. Cette application mobile va être mise en place donc par la Caisse des dépôts et consignations. L'idée est de clarifier en fait pour le salarié l'utilisation de ses droits acquis sur le CPF. C'est-à-dire que ça va lui permettre, sur cette application mobile, d'avoir déjà, première chose, les formations éligibles au CPF, donc les formations qu'il va pouvoir choisir et qu'il va pouvoir alimenté avec ses droits acquis. Et ça va lui permettre également de connaître le solde de ses droits acquis qu'il aura comptabilisé sur son CPF. Donc, cette application mobile sera mise en place en novembre 2019. Voilà pour ce qui est de la mise en place du compte personnel de formation. Passons à l'alimentation du CPF en elle-même. Alors, concernant l'alimentation du compte personnel de formation, il faut savoir que pour l'alimentation du compte personnel de formation, on a une petite particularité du fait qu'il a remplacé le droit individuel à la formation. Avant l'année 2015, avant le 1er janvier 2015, c'était le droit individuel à la formation qui permettait aux salariés de comptabiliser des heures et de bénéficier de formation. Les heures qu'il a acquises au titre de ce DIF peuvent être transférées sur le compte personnel de formation. Alors, il existe une obligation pour l'employeur à ce titre. Donc, attention, si jamais vous avez des salariés qui étaient en place avant l'année 2015 dans l'entreprise, dans ce cadre-là, il existe une obligation d'information. L'employeur doit, au 31 janvier 2015, avoir informé tous ses salariés des droits au DIF acquis et non utilisés au 31 décembre 2014. Cette information du solde des heures de DIF peut être faite par tout moyen, mais bien entendu pour des raisons de preuve, en tant qu'employeur, il vaut mieux se ménager un moyen de preuve, être sûr d'avoir bien informé ses salariés sur le nombre d'heures acquis au titre du DIF. Une fois que le solde donc est transmis aux salariés du nombre d'heures de DIF acquis, il doit le renseigner personnellement sur le compte personnel de formation. L'employeur n'a pas l'obligation de le faire. C'est vraiment au salarié de le renseigner sur son compte personnel de formation pour que les heures acquises au titre du DIF, donc pour les années avant 2015, soient comptabilisées sur son CPF. Que se passe-t-il si l'employeur ne respecte pas cette obligation? Il n'est prévu aucune sanction dans le Code du travail pour le non-respect de cette obligation, mais il serait possible pour un salarié d'intenter une action devant le Conseil des prud'hommes pour demander des dommages et intérêts à l'employeur qui ne lui aurait pas informé de son solde. Donc voilà pour cette petite particularité du fait du passage du DIF au CPF. Désormais, donc, on va voir la comptabilisation qui est faite du CPF pour l'année 2018 et pour les années antérieures, donc ça veut dire de l'année 2015, 2016, 2017, 2018, car pour ces quatre années-là, l'alimentation du CPF se faisait en heures. Donc, on va voir comment elles étaient comptabilisées. Donc, pour ce qui était de la comptabilisation de ces heures, la comptabilisation se fait en fonction de la durée du travail du salarié. Alors, ça pose un problème en fonction de la situation du salarié. Donc, on va voir les différents cas possibles. Pour un salarié à temps plein, par exemple, il va comptabiliser 24 heures sur son CPF par année, par an, jusqu'à un plafond de 120 heures. Au-delà de ce plafond de 120 heures comptabilisées, le salarié à temps plein ne comptabilisera plus que la moitié, c'est-à-dire 12 heures par an. Au-delà. Pour un salarié à temps partiel, il se base sur le même mode de calcul, donc 24 heures par an, mais bien entendu, vu qu'il est à temps partiel, il y a un calcul qui sera fait au prorata. Donc, il y a un prorata qui est fait en fonction de la durée du travail de ce salarié à temps partiel. Ce prorata, il peut conduire effectivement à un chiffre à virgule. Donc là, pour le coup, il y aura un arrondi qui sera effectué au chiffre supérieur. Pour un salarié qui ne se verrait pas appliquer de durée du travail, cela arrive, par exemple, le cas d'un salarié en forfait, mais le cas également d'un VRP, le cas d'un salarié qui serait rémunéré à la tâche ou le cas d'un pigiste, là, on a une petite particularité. Il y a une séparation qui est faite. On a le cas du salarié en forfait, forfait jour. Là, pour le coup, on va considérer le salarié comme un salarié à temps plein. Donc, il bénéficiera pour un salarié en forfait jour de 24 heures par an comptabilisées jusqu'à 120 heures, le plafond, et puis au-delà 12 heures. Par contre, pour le VRP, pour les salariés rémunérés à la tâche ou les pigistes, là, il y a une différenciation à faire. C'est-à-dire que comme ces salariés ont une rémunération particulière, on va voir qu'il va y avoir un prorata qui va être effectué. Ce prorata, il s'effectue sur un montant de référence pour le calcul de l'alimentation du CPF. Ce montant de référence est fixé à 2080 fois le SMIC. 2080 fois le SMIC. Donc, l'alimentation du compte est calculée avec, en faisant un prorata du rapport entre la rémunération effectivement perçue par le salarié, donc par le VRP, et ce montant de référence. Donc, on fait un rapport avec un prorata. Lorsque le calcul aboutit, là aussi, à un nombre à virgule, il y a un arrondi qui est effectué au chiffre supérieur. Pour un salarié non qualifié. Alors, qu'est-ce qu'on entend par salarié non qualifié? On entend un salarié non qualifié, un salarié qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme classé au niveau 5, donc BEP ou CAP. Donc, si jamais un salarié n'a pas atteint ce niveau de formation, dans ce cadre-là, on considère que le CPF doit lui permettre d'acquérir de nouvelles compétences, d'avoir une formation plus importante que pour les autres salariés. Donc, il va acquérir 48 heures par an. Donc, le double de ce que peut obtenir un salarié à temps plein. Avec un plafond qui sera toutefois fixé à 400 heures. Donc, on ne pourra pas aller au-delà dans ce mode de comptabilisation, dans le fait d'avoir une comptabilisation à 48 heures par an. Au-delà, il pourra comptabiliser 24 heures par an. Donc, voilà pour le salarié non qualifié. On a le dernier cas, un cas très particulier, le salarié handicapé. Un salarié handicapé pourrait peut percevoir une alimentation à 800 euros par an. Alors, c'est particulier, pourquoi? Parce que l'alimentation du CPF ne se faisait qu'en heures, donc pour l'année 2015 à 2018, c'est le seul salarié qui a bénéficié, en fait, d'une alimentation monétaire en argent, donc 800 euros par an, avec un plafond fixé à 8000 euros. Donc, voilà pour ce qu'en était de l'alimentation entre l'année 2015 et l'année 2018. On va voir le bouleversement qui a été mis en place par la loi du 5 septembre 2018, donc récente. On va voir le bouleversement qui va rentrer en application au 1er janvier 2019. Donc, qui est déjà rentré en application depuis 3 mois. Alors, pour ce qui est de l'alimentation du CPF pour l'année 2019, elle va s'effectuer de façon monétaire, c'est-à-dire en euros. Donc, on va le voir ensemble. Mais on peut se poser la question de savoir qu'est-ce que vont devenir les heures de formation qui ont été comptabilisées pour les années de 2015 à 2018, voire même pour les années antérieures si on a bien retranscrit le solde du DIF dont on a parlé tout à l'heure. Pour ces heures-là, en l'occurrence, il va y avoir une conversion qui va être faite entre les heures et la monétisation du compte. Cette conversion, donc en euros, a été fixée à 15 euros l'heure de formation comptabilisée. Donc il faut entendre que toutes les heures qui ont été comptabilisées sur le CPF avant le 1er janvier 2019 doivent être converties pour avoir un équivalent en euros. La conversion est donc de 15 euros par heure. Pour ce qui est de cette conversion, elle se fait automatiquement sur le compte personnel de formation. Le salarié n'a pas à faire la conversion sur le site en se connectant. Ça se fait automatiquement et c'est géré par la Caisse des dépôts et consignations. Par contre, désormais, il va falloir comptabiliser donc les heures de formation. Alors, faire un calcul en fait entre les heures de formation qui ont été acquises et qui sont converties et la nouvelle alimentation en euros. Donc désormais, cette alimentation va se faire de la façon suivante. On retrouve les mêmes catégories. Pour un salarié à temps plein, ça sera 500 euros par an comptabilisé, avec un plafond fixé à 5000 euros qu'on ne pourra pas dépasser. Pour un salarié à temps partiel, là on reprend la même règle. Il se base sur 500 euros par an avec un calcul au prorata, donc en fonction de sa durée du travail, arrondi au chiffre supérieur. Pour le salarié en forfait, il se base là aussi sur la même comptabilisation qu'un salarié à temps plein, donc 500 euros par an. Par contre, pour le VRP, les salariés payés à la tâche et les pigistes, on a toujours le prorata effectué, donc avec ce montant de référence fixé à 2080 fois le SMIC. Pour un salarié non qualifié, là, on reprend en fait les mêmes dispositions que pour le salarié handicapé, c'est-à-dire qu'il va pouvoir bénéficier d'une comptabilisation de 800 euros par an, avec un plafond fixé à 8000 euros, et au-delà, il y aura une comptabilisation de 500 euros par an, mais comme le plafond est fixé à 8000 euros, il ne pourra pas déplacer ce plafond. Pour le salarié handicapé, là, les dispositions restent inchangées. La comptabilisation, c'est 800 euros par an, avec un plafond fixé à 8000 euros. Voilà pour ce qu'il en est de l'alimentation classique du compte en fonction de la durée du travail du salarié. On va s'intéresser à un autre type d'alimentation spécifique, c'est celui du compte d'engagement citoyen. Alors, le compte d'engagement citoyen, on l'a vu tout à l'heure, il faisait partie donc du compte personnel d'activité. C'est l'une des branches du compte personnel d'activité. Et il y a bien un lien avec le compte personnel de formation, on va le voir ensemble, parce que ce compte d'engagement citoyen permet, en fonction de la durée d'un engagement citoyen qu'aurait fait le bénéficiaire, d'obtenir une somme monétaire sur son compte personnel de formation. Ça a été mis en place donc par le décret du 28 décembre 2018. Donc, on a la possibilité, en fonction de la durée d'engagement, d'avoir une alimentation du compte en euros. Cette alimentation, elle est fixée à 240 euros en fonction de certaines durées minimales par rapport au service civique, par exemple, choisi, ou à l'engagement citoyen choisi. Et on a un plafond qui est fixé à 720 euros en fonction des durées qu'aura effectué, des durées d'engagement citoyen qu'aura effectué le bénéficiaire. Pour exemple, si un bénéficiaire effectue 6 mois continus en service civique, il pourra obtenir donc 240 euros. Également, il faut savoir que ces durées minimales changent donc en fonction du service. Donc, on va voir un petit peu ensemble les différenciations. Par exemple, on peut prendre l'exemple de 5 ans d'activité de sapeur-pompier volontaire qui permettent d'obtenir 240 euros ou de 3 ans continu d'engagement dans la réserve civile de la police nationale ou 1 an continu d'engagement dans la réserve citoyenne de l'éducation nationale qui permettent d'alimenter le compte personnel de formation. Pour ce qui est des différenciations entre les durées, on peut se poser une question, pourquoi est-ce qu'il y a une différenciation aussi importante qui peut être mise en place dans certains cas? On pense notamment au cas de la réserve sanitaire, il suffit de 30 jours de durée minimale par rapport aux 5 ans d'activité de sapeur-pompier volontaire. L'explication peut avoir lieu dans le fait que les 30 jours pour la réserve sanitaire sont continus, c'est-à-dire que la réserve sanitaire est un cas particulier, c'est un professionnel de santé qui peut être amené donc à travailler 30 jours dans cette réserve de façon continue, ça va lui permettre d'obtenir 240 euros sur son compte personnel de formation. Alors que l'activité de sapeur-pompier volontaire, il ne sera décompté en fait que la durée d'intervention. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir des différences au niveau des durées minimales pour obtenir 240 euros sur le compte personnel de formation. Voilà pour ce qu'il en est sur l'alimentation du compte d'engagement citoyen. Il faut également savoir que la comptabilisation d'un certain nombre de points sur le compte professionnel de prévention, le C2P, peut lui aussi alimenter le compte personnel de formation selon certaines conditions. On passe désormais à l'abondement du compte personnel de formation. Alors pourquoi parler d'abondement ? L'abondement, en fait, ça va être le fait de prévoir pour un cas particulier, pour un fait survenu dans la vie du bénéficiaire, de permettre d'avoir une alimentation, j'allais dire, supplémentaire du compte personnel de formation. Cet abondement peut avoir lieu dans le cadre d'un accord de branche ou d'un accord d'entreprise. Donc, ça peut être la convention collective qui le prévoit ou un accord signé entre l'employeur et un délégué syndical ou, à défaut, des représentants du personnel pour prévoir un montant qui va être prévu, donc déterminé dans l'accord, pour prévoir un montant dont va bénéficier le salarié sur son compte personnel de formation. Donc le montant doit être négocié et derrière, ça sera à l'employeur de verser sur le compte personnel de formation du salarié un montant monétaire. Également, on a la situation lorsque le salarié envisage une formation qui a un coût en fait supérieur au montant des droits qu'il a acquis. Il y a une possibilité de compléter le montant de façon monétaire, d'abonder donc son compte personnel de formation pour lui permettre de bénéficier de la formation envisagée. C'est bien entendu sous réserve de conditions particulières. On a un cas particulier, le cas d'absence d'entretien professionnel. Alors pourquoi je parle de cas particulier ? Parce que là, c'est une sanction destinée à l'employeur. Dans le cas où l'employeur ne respecterait pas les dispositions encadrant l'entretien professionnel, c'est-à-dire le fait de mettre en place un entretien professionnel tous les 2 ans pour un salarié et de faire un récapitulatif sur l'état du salarié, sur la situation du salarié au niveau de sa formation professionnelle, au niveau des acquis, de son expérience, également de sa revalorisation salariale. Si l'employeur ne met pas en œuvre cet entretien professionnel tous les 2 ans et ne fait pas de bilan tous les 6 ans, il peut être donc condamné à verser 3000 euros, c'est la sanction prévue par le Code du travail, 3000 euros sur le compte personnel de formation du salarié en question. Également, une situation où le salarié est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et il y a une condition au niveau de cet accident du travail, c'est le fait que le salarié doit avoir été atteint d'une incapacité permanente supérieure ou égale à 10%. Dans ce cadre-là spécifique, il bénéficie d'un abondement de 7500 euros sur son compte personnel de formation de la part de l'employeur. Enfin, le cas du licenciement pour refus d'application d'un accord de performance collective est un cas un petit peu complexe. L'accord de performance collective a été mis en place par l'une des ordonnances Macron. C'est un accord qui permet, pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, de mettre en œuvre, de changer en fait la durée du travail au sein de l'entreprise, de modifier la durée du travail au sein de l'entreprise. Si le salarié refuse de signer un avenant à son contrat de travail qui applique cet accord de performance collective, dans ce cadre-là, il peut être licencié. Alors, c'est ce qu'on appelle un licenciement sui generis parce qu'il ne rentre dans aucune catégorie de licenciements qui sont prévus par le Code du travail. On a le licenciement pour inaptitude, licenciement pour faute, licenciement économique et d'autres licenciements pour insuffisance professionnelle. Là, il ne rentre dans aucune de ces catégories. C'est un licenciement un petit peu particulier parce que le salarié a refusé de signer un avenant qui appliquerait l'accord de performance collective. Dans ce cas particulier, l'employeur est dans l'obligation de verser 3000 euros sur le compte personnel de formation du salarié. Voilà pour les cas particuliers d'abondement du compte personnel de formation. Passons désormais au fonctionnement de ce compte personnel de formation. Comment est-ce qu'on va utiliser ce compte personnel de formation ? D'abord, intéressons-nous aux formations éligibles. Le salarié ne peut pas choisir les formations qu'il souhaiterait poursuivre, qu'il souhaiterait suivre en utilisant les montants acquis sur le CPF. Il doit obligatoirement choisir l'une des formations éligibles au CPF. Ces formations éligibles sont enregistrées dans un répertoire national. Et pour donner des exemples de cette liste de formations éligibles, c'est par exemple le CACES, c'est-à-dire des certificats, diplôme d'aptitude à la conduite de certains engins de chantier, par exemple, des certifications informatiques ou des certifications en langue étrangère. On pense par exemple au TOEFL, au TOEIC. Également, il a la possibilité de faire ce que l'on appelle un bilan de compétences. Un bilan de compétences, ça permet de faire le point, sur les compétences acquises par le salarié au niveau des tâches qu'il a eu à effectuer au sein de l'entreprise. On a tout ce qui est formation pour les créateurs ou repreneurs d'entreprises. Alors, il faut savoir que lorsque l'on crée ou l'on reprend une entreprise, on est dans l'obligation, dans certains cas, de suivre une formation. Cette formation est éligible au CPF. On a le cas de la validation des acquis de l'expérience. Alors là, c'est le cas d'un salarié qui, de par son expérience, a été amené à effectuer certaines tâches et qui souhaiterait le valider parce qu'il n'a pas eu l'occasion de suivre un diplôme, une certification. Ça lui permet derrière de pouvoir le mettre en œuvre sur de permettre de faire valoir cette validation des acquis d'expérience sur le marché du travail. Les formations également pour les bénévoles et les volontaires en service civique. Alors ça, c'est un cas particulier. C'est lorsque le salarié souhaite utiliser son CPF pour suivre une formation, mais dans le cadre d'un bénévolat ou d'un volontariat. Donc attention, il faut respecter cette condition. Et enfin, on a une nouveauté. Depuis donc le 1er janvier 2019, on a le cas de la préparation des épreuves, du permis de conduire. La préparation des épreuves du permis de conduire. Donc, alors il y a certaines conditions à remplir qui sont le fait d'avoir un projet professionnel, de présenter un projet professionnel qui nécessite l'obtention du permis de conduire. Donc voilà pour ce qui est des formations éligibles au CPF. On va s'intéresser maintenant à l'utilisation de la monétisation qu'il a acquise sur le CPF pour suivre justement ces formations éligibles qu'il aura choisies. Pour l'utilisation du CPF, il faut savoir, première chose, que si le salarié souhaite utiliser son CPF en dehors du temps de travail, il n'a aucune demande ou autorisation à faire auprès de son employeur. Premier point. Le deuxième point, c'est pendant le temps de travail. Là, pendant le temps de travail, il y a une procédure à respecter. On va différencier deux cas. Lorsque la formation que veut suivre le salarié pendant le temps de travail est supérieure à 6 mois, c'est le cas indiqué en bleu sur le schéma, sur la chaîne chronologique, et le cas où la formation dure moins de 6 mois, c'est le cas en vert sur le schéma. Lorsque un salarié souhaite suivre une formation qui est supérieure à 6 mois, il doit dans ce cas-là demander l'autorisation à son employeur. Dans tous les cas, à partir du moment où le salarié veut suivre une formation pendant le temps de travail, il doit demander l'autorisation à son employeur. Sa demande d'autorisation du salarié, dans le cas où la formation est supérieure à 6 mois, doit intervenir au maximum 120 jours calendaire avant le début de la formation. C'est-à-dire que si le salarié effectue sa demande d'autorisation trop tard, il ne pourra pas suivre la formation demandée à partir du moment où il n'a pas respecté ce délai en fait de 120 jours calendaires. Donc le salarié doit se préparer à l'avance, doit demander en fait l'autorisation à son employeur avant le début de la formation, 120 jours calendaires avant le début de la formation. Suite à la réception de la demande par le salarié, l'employeur a 30 jours calendaires à compter de la demande du salarié, 30 jours calendaires pour y répondre. Dans le cas où il ne répondrait pas à la demande du salarié, attention, le silence vaut acceptation. Ça veut dire que le salarié serait autorisé à suivre la formation. Donc, attention à l'employeur, dès qu'il reçoit une demande de formation de la part du salarié, il doit faire attention à y répondre, sinon c'est considéré comme accepté. L'employeur a la possibilité de refuser la possibilité de refuser la demande de formation du salarié. Il peut présenter une motivation, c'est une réponse. Donc, il faut de préférence le motiver, par exemple, par le maintien nécessaire dans l'activité, la nécessité de service, le fait qu'il y ait un accroissement d'activité, qu'on a besoin de ce salarié. Il faut savoir que le refus de l'employeur, derrière n'est pas réglementé par le Code du travail. Il l'était pour le DIF. L'employeur, s'il refusait une formation demandée par le salarié dans le cadre du DIF, devait lui accorder l'année suivante, et au cas où il ne l'accordait pas l'année suivante, dans ce cas-là, il pouvait être sanctionné. L'employeur, le salarié pouvait partir en formation au cours en fait de la troisième année. Là, en l'occurrence ici, depuis la mise en place du CPF, il n'existe pas cette règle. Donc, l'employeur peut refuser une demande d'utilisation du CPF, une demande en fait d'autorisation de partir en formation pendant le temps de travail. Pour une formation inférieure à 6 mois, là, le salarié doit demander l'autorisation à l'employeur, parce que c'est une demande d'autorisation, 60 jours calendaires avant le début de la formation. Le délai de 30 jours calendaires à compter de la demande continue également là à courir. Donc attention, surtout que ce sont 30 jours calendaires, donc des jours calendaires, c'est tous les jours de l'année civile. Donc jours fériés compris, samedi, dimanche, jours fériés compris. Voilà pour ce qui était de l'utilisation du compte personnel de formation. Passons à la prise en charge des frais de formation. Pour ce qui est de la prise en charge des frais de formation, il faut savoir que les frais de formation sont pris en charge en fait par les sommes indiquées sur le compte personnel de formation. Mais la Caisse des dépôts et consignations peut prendre en charge donc certains frais pédagogiques. Alors ça va être une ouverture possible, c'est pas encore le cas, mais ça va être mis en place au cours de l'année, et également tout ce qui concerne les frais annexes, frais de transport, frais de repas, frais d'hébergement, frais de garde d'enfants qui peuvent être pris en charge par la Caisse des dépôts et consignations. Les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié. Attention, à partir du moment où le salarié part en formation dans le cadre de son CPF, il y a un maintien de la rémunération par l'employeur. Les heures consacrées à la formation sont un temps de travail effectif. Lorsque le salarié se forme sur son temps libre, par contre, ce temps de formation ne donne pas droit à une rémunération, parce qu'on considère que c'est en dehors du temps de travail. Voilà pour ce qui était de cette présentation. Alors, si vous le voulez bien, nous allons passer à la phase de questionnement. Je vais regarder donc les questions posées, qui m'ont été posées. Et sachez bien évidemment que nous répondrons à toutes les questions, si jamais je n'ai pas eu le temps de répondre à toutes les questions posées. Alors. Alors, une première question. Est-ce qu'un salarié en arrêt maladie peut utiliser son compte personnel de formation? Un salarié en arrêt maladie peut effectivement utiliser son compte personnel de formation pour suivre une formation pendant l'arrêt maladie s'il a obtenu l'autorisation de son médecin traitant. Attention, c'est limité à l'autorisation du médecin traitant. Comment se matérialise financièrement l'abondement du CPF? L'employeur fait-il un chèque? Et si oui, à qui? Alors, l'abondement du CPF, effectivement, c'est une bonne question, la matérialisation. Dans ce cadre-là, il faut en fait contacter la Caisse des dépôts et consignations pour pouvoir alimenter le compte personnel de formation par le biais de la Caisse des dépôts et consignations pour que ça soit la Caisse qui alimente le compte personnel de formation du salarié sur le site. Donc, il faut se rapprocher de la Caisse des dépôts et consignations pour savoir comment procéder en termes de matérialisation. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire un chèque ou pas? Une formation en français pour un travailleur d'origine étrangère est-elle une formation éligible au CPF? Alors là, pour répondre à cette question, il va falloir regarder en fait dans le registre national que vous pouvez trouver sur le site compte-d'activité.gouv.fr, moncompte-d'activité.gouv.fr. Ou sinon sur l'application qui va être mise en place, ça sera plus simple en fait de pouvoir vérifier. Mais là pour l'instant, vu qu'il n'y a pas encore d'application mobile, c'est sur le site moncompte-d'activité.gouv.fr pour voir si c'est possible. En tout cas, il y a la possibilité de demander une certification en langue étrangère. Donc, ça pourrait, je dis bien ça pourrait, sous réserve que ça soit retranscrit dans le registre national, ça pourrait rentrer, une formation en français pour un travailleur d'origine étrangère pourrait rentrer en ligne de compte. Alors, une autre question. Comment demander à un salarié s'il veut utiliser son CPF pour une formation qu'on souhaiterait mettre en place en dehors du plan? Alors, pour y répondre, j'aurais besoin d'un peu plus de précision, mais on peut déjà répondre à une partie. C'est vrai que l'utilisation du CPF est personnelle pour le salarié. C'est véritablement, il faut faire attention à ce que l'employeur ne s'immisce pas dans l'utilisation du CPF de son salarié. C'est le salarié qui décide, c'est à son initiative qu'il mobilise son CPF. Donc, il va falloir faire attention. On peut se mettre d'accord avec le salarié, par exemple dans le cadre d'une formation professionnelle que voudrait mettre en place l'employeur, mais il faut obtenir son accord. Attention aussi à ce qu'il n'y ait pas une suspicion d'abus sur ce point-là. Alors, je vois beaucoup de questions également sur la présentation. La présentation vous sera envoyée au niveau de votre adresse mail, donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. Comment prouver son engagement dans une association? Alors, effectivement, il est possible, on l'a vu ensemble dans le compte d'engagement citoyen, il est possible. Si on a comptabilisé 200 heures au sein d'associations, d'alimenter son compte de personnel de formation. Ces 200 heures sont soumises à des conditions. Il faut avoir déjà ce qu'on entendrait par un mandat de représentation de l'association, c'est-à-dire qu'il faut être soit avoir un poste important au sein de l'association, soit être trésorier, soit être le président. Donc il y a certaines conditions qui. Et pour ce qui en est de la preuve, après, la preuve est libre. Donc, une attestation de témoignage pourra faire l'affaire, par contre. Alors, une question, comment un ancien fonctionnaire, aujourd'hui salarié du privé, peut retrouver son quota disponible? Il faut savoir que le compte personnel de formation, comme je l'ai dit, est personnel au salarié, c'est-à-dire qu'il suit l'avis du bénéficiaire. Donc, pour le coup, ce salarié en question doit ouvrir son compte personnel de formation pour voir si tout a bien, si toutes les heures, pas toutes les heures puisqu'il y a une monétisation, mais si tout a bien été comptabilisé en fonction de son temps de travail, y compris lorsqu'il était fonctionnaire. Attention cependant, parce que ça a été mis en place à l'heure actuelle. Je sais qu'il y a des conditions particulières qui relèvent du droit public pour l'utilisation du CPF. Donc à voir s'il peut y avoir un transfert en fait de la comptabilisation faite sur le compte personnel de formation de cet ancien fonctionnaire avec celle qu'il aura acquise en tant que salarié. Donc ça, je reprendrai contact avec vous pour un peu plus se renseigner à ce niveau-là. Hein. Alors, que faire si le solde qui a été comptabilisé au niveau du DIF n'a pas été indiqué sur le compte personnel de formation du salarié? Attention, c'est au salarié de faire cette démarche, donc c'est à lui de renseigner le solde. S'il ne l'a pas fait, ça relèvera de sa responsabilité. Ce pourquoi l'employeur, lorsqu'il informe le salarié sur son solde disponible, qu'il a acquis au titre du DIF, il faut qu'il fasse attention à se ménager un moyen de preuve pour que ça ne soit pas remis en cause par le salarié. Comment faire pour rendre une formation éligible? Alors là, c'est une question, j'allais dire, auquel il faudrait se renseigner auprès du registre national. Donc pour ça, Toujours pareil, l'interlocuteur primordial, c'est la Caisse des dépôts et consignations. Il faudrait les contacter pour savoir si on peut rendre une formation prévue éligible hein, au CPF. Je regarde si j'ai d'autres questions. Peut-on refuser une formation? Alors là, l'employeur, effectivement, est libre de refuser une formation. C'est toujours bien de motiver le refus d'une formation pour éviter d'avoir un conflit avec le salarié. Le motif principal de refus, celui sur lequel vous pouvez être sûr, c'est l'activité, en fait, le maintien de l'activité, la nécessité de service, l'accroissement de l'activité qui oblige l'employeur a refusé au salarié de suivre une formation éligible au CPF sur le temps de travail. Donc, il est possible de refuser. Voilà, je crois en avoir terminé pour la phase de questionnement. Alors, bien entendu, je sais qu'il y a beaucoup de questions qui ont été posées. Donc, on reprendra contact avec vous pour vous donner les réponses. J'espère que cette formation, cette conférence aura pu vous être utile. Et puis, bien entendu, au niveau de notre service, on reste à votre disposition pour vous apporter toutes les réponses nécessaires. Sachez également, pour ceux qui n'auraient pas souscrit l'abonnement, qu'il y a une question de test donc, que vous pouvez poser pour tester notre service. Voilà, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Vous pouvez nous contacter au niveau du numéro de téléphone qui s'affiche à l'écran et donc prendre contact avec nous pour connaître les différentes possibilités d'abonnement. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir à tous.